Et puis, vous avez entendu, il y a une heure, Mme Jacinthe Châteauvert, présidente du CREAT, le Conseil régional de l'environnement. Elle nous parlait de cette rencontre hier soir, le débat organisé par le CREAT sur les mines à ciel ouvert. Elle nous parlait donc d'un certain nombre de réponses qui sont attendues par la population afin donc d'alimenter le débat sur la présence de ces mines dans notre région. Réaction du président de l'Action boréale, M. Henri Jacob, qui est avec nous ce matin. M. Jacob, bonjour. Oui, bonjour. Alors donc, vous avez entendu Mme Châteauvert. Il semble que vous n'êtes pas d'accord avec la proposition assez mitigée, enfin la proposition de Mme Châteauvert à l'effet qu'on attend des réponses avant de se positionner. Vous, vous êtes contre, puis vous le dites. Nous, on est contre les mines à ciel ouvert. On n'est pas contre l'industrie minière ni contre les mines. Parce que une des choses que Mme Châteauvert a faite, elle a fait une affirmation, elle a dit que les groupes écologistes n'étaient pas contre les mines à ciel ouvert, ce qui est totalement faux. On travaille dessus le dossier depuis des années et eux n'étaient pas là, naturellement. Et les groupes, tous les groupes que je connais, moi, se prononcent contre. Je parle de groupes environnementaux écologistes. Donc, cette affirmation-là est fausse. Deuxièmement, elle dit ce qu'on attend de l'industrie minière, c'est qu'ils nous rassurent que comme quoi que ça va se faire bien. Ben moi, je m'attends pas à ce qu'ils nous rassurent. L'industrie n'est pas là pour nous rassurer. L'industrie est là pour faire de l'argent. Et ce serait plutôt à nos politiciens de s'impliquer. Mais ces réponses qui sont attendues, en fait, qu'ils le soient par des groupes écologistes, M. Jacob, ou par certains groupes de citoyens, ou par des représentants, bref, il y en a eu devant le BAP. Ça, vous pouvez pas dire qu'il n'y en a pas eu devant le BAP. Il y a des gens qui ont dit on attend des réponses à nos questions. La préoccupation de ces gens-là, c'est est-ce que les réponses peuvent venir de l'industrie minière? Est-ce qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, et on ne vise personne, là, c'est, bien sûr, il y a le dossier Osisko qui a ramené ça sur la table, mais une entreprise minière, est-ce qu'elle pourrait réussir un jour à convaincre quelqu'un ou à donner des réponses qui soient jugées satisfaisantes ou on fait face à des éternels insatisfaits ou des éternels sceptiques? Bien, en fait, dans le cas des mines souterraines, il y a eu beaucoup de progrès qui est fait et dans le traitement des résidus qui sort des mines souterraines, il y a eu beaucoup de progrès et on le reconnaît. Dans le cas des mines à ciel ouvert, qu'on nous parle pas de développement durable, si on met une série de trous, d'immenses trous du long de la 117, ces trous-là ne serviront plus à rien pour le futur, excepté peut-être avoir un promoteur de Montréal qui voudrait venir ramener les déchets et remplir nos trous. Et comme j'ai vu comment que les représentants de la municipalité défendaient leurs citoyens, ça me fait frissonner dans le dos à penser que quelqu'un pourrait le proposer dans 15 ans de venir remplir le trou, soit à Malartic ou ailleurs. Ce genre de mine-là n'est pas du développement durable. Et le gouvernement du Québec a même changé le nom du ministère de l'Environnement pour s'appeler Développement durable et environnement. Et qu'on réponde au développement durable, ça, on en est. Puis on sait que les mines, en général, c'est pas du développement durable, mais on peut accepter un développement, on peut accepter une empreinte qui est faite, qui va faire qu'on va pouvoir réutiliser les terrains à d'autres faits, à d'autres usages, comme la foresterie, comme l'agriculture, etc., qu'on pourra faire d'autres choses. Mais avec un trou comme ça, qui va s'emplir d'eau, tu peux absolument rien faire, excepté, comme j'ai dit, peut-être t'en servir pour mettre des vieilles carcasses de chars et mettre des déchets. Bon. Monsieur Jacob, revenons à la base de cette entrevue ce matin que j'ai réalisée avec Madame Châteauvert et à la base de l'exercice hier soir. Vous opposez-vous à ce qui est, malgré tout, un débat dans la population, un débat qui cherche à renseigner les gens et à déterminer finalement ou à aider la population à déterminer si oui ou non on est en faveur comme région, comme citoyen de ce genre de mine dans la région? Pas du tout. C'est nous les premiers avec la coalition pour que le Québec ait une mauvaise mine qui a proposé à la conférence régionale des élus de tenir de façon démocratique ce débat-là. Bon. Jusqu'à date, on attend la réponse de la CRE, la conférence régionale des élus. Moi, vous n'avez pas participé hier à ce débat-là? Ben parce que naturellement, premièrement, c'était pas un débat. On savait que c'était pas un débat. Deuxièmement, c'est qu'on donne des arguments aux gens comme des Monsieur Thomassin de l'industrie d'exploration minière de dire ben vous l'avez eu votre débat, pourquoi qu'on en ferait un autre? C'est déjà son argument qu'ils utilisent et on leur donne des munitions. Et dans ce sens-là, moi je peux pas cautionner ce genre d'affaires-là en étant un groupe qui dit qu'on veut avoir un vrai débat. D'ailleurs, on va avoir une conférence de presse tantôt qui va encore demander à la CRE de tenir ce vrai débat-là. Et ça peut pas être tenu par un petit groupe de citoyens qui a plus ou moins de crédibilité, qui va tenir un vrai débat. Oui, on peut parler du Conseil régional d'environnement, là? Ben, Le Conseil vous êtes fédéral... en train de dire qu'ils n'ont pas de crédibilité, c'est ce que vous dites, là. Ben, ce que je vous dis, dans la question de tenir un débat de cette envergure-là, non, ils n'ont pas ni la crédibilité, ni les moyens pour le tenir. Si mais pourtant, pourtant, c'est un conseil régional, ils ont une légitimité, ils s'intéressent à l'affaire tout autant que vous, ils organisent un groupe. Là, ce que notre auditrice nous a signalé ce matin, là, c'était que, justement, il y avait peu de représentants de l'industrie minière, puis elle, ce qu'elle nous disait, c'est que quand on n'est pas un écologiste, là, et qu'on n'est pas en faveur, ou en tout cas, ou qu'on ne partage pas les vues des panélistes qui sont devant nous, c'est difficile de se lever et d'interagir et de faire valoir notre position. Alors ça c'est la critique qu'on a eue hier. Mais néanmoins, il y avait quand même un étalage de points de vue, là, même si c'était difficile de se prononcer. Vous êtes pas d'accord avec ça? Je nie pas, Monsieur Laflamme, que s'il y a eu cette rencontre-là, si c'était indiqué comme une séance où on donne de l'information sur un point de vue, je trouve ça valable. Ce qu'on dit, ce qu'on appelle ça un débat, c'est là parce que ça n'en est pas un. Et deuxièmement, quand vous parlez de la question de crédibilité, je veux pas enlever la crédibilité d'une table de concertation parce que c'est ça dans la composition et dans les faits, le Conseil régional d'environnement. Les mines siègent là-dessus, les forestières siègent là-dessus et il n'y a pas beaucoup de groupes environnementaux qui siègent là-dessus. Ça, il faut comprendre ça. Pas parce qu'on met le mot environnement au bout, puis pas parce qu'on est subventionné par un gouvernement. D'ailleurs, c'est Jacques Brassard, ministre pas nécessairement le plus vert, qui a créé des conseils régionaux en environnement qui les a financés. Le but n'était sûrement pas de nous donner des armes pour se battre contre lui. Et Mme Châteauvert travaille pour le ministère des Ressources naturelles. Elle ne peut pas avoir un discours naturellement revendicateur comme le nôtre. Bon, mais n'est-ce pas que tous les points de vue ont leur place et qu'un bon échantillonnage de tous les points de vue permettrait justement, en tout cas, un débat, que ce soit à cette émission, que ce soit devant la CRI, que ce soit devant le CREAT, qu'il y ait un débat donc avec l'ensemble des points de vue là, qui ait leur place? Entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a un vrai débat avec les gens de la mine, les gens de nos politiciens, que les groupes environnementaux, que les groupes de citoyens, que tout le monde, la société civile soit représentée? Ça ne veut pas dire que naturellement toute la population, les gens qui se sentent concernés. On est entièrement d'accord. C'est ce qu'on demande à la conférence régionale des élus. Et jusqu'à date, ça a resté lettre morte. Bon, et selon vous, en quelques secondes, parce qu'on doit refermer l'émission, là, il n'y a que la conférence régionale des élus qui puisse organiser un débat digne de ce nom, selon vous? Présentement, en région, ce sont les seuls qui ont le moyen d'attirer justement la panoplie de différents points de vue. C'est pas parce que c'est ça que je souhaite, ou qu'il y aurait une organisation que, je sais pas, que le gouvernement créerait juste pour tenir... Ben, vous souhaitez qu'il y ait les différents points de vue, M. Ben Jacob, oui, ce que vous venez de dire. Totalement, c'est bon. Ça un débat. Un débat qu'on est tous ensemble, puis on dit tout pareil, ça l'a plus ou moins. Puis vous avez vu, les gens qui représentaient le côté opposé étaient un peu gênés de parler. Mais dans un vrai débat, les gens, tous les points de vue sont exprimés. Bon. Et on est d'accord avec ça, c'est ce qu'on demande. Et vous allez y participer. Bien, sûrement. Bon, M. Jacob, président de l'Action boréale, merci d'avoir été là ce matin. Bienvenue.